Bienvenue au cours Je téméraire et néanmoins réaliste. Ils sont présents ici sur l'atelier qui sera sur le cours. J'ai fait un lapsus révélateur qui sera le plus difficile, mais aussi le plus fondamental, qui est introduit par le fondateur de l'ATI, la Text Encoding Initiative. Alors, l'un des fondateurs. L'un des fondateurs, le cofondateur et seul survivant. Les autres sont échappés. Oui. Les autres sont passés à d'autres aventures. Qui va vous parler de la façon dont on peut imaginer travailler avec l'ATI. Tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais vous dire que vous pouvez aller jusqu'à 13 heures. Voilà. C'est pas la peine de... C'est ça, exactement, c'était l'idée. Il va nous parler d'une chose très simple, en fait, c'est comment utiliser l'ATI seulement pour l'édition, parce qu'en fait, l'ATI a été aussi fondée pour décrire des textes très complexes, mais nous, on fait des choses très simples, et en théorie, on peut faire des choses aussi très simples, et l'ATI a cette mauvaise réputation d'être complexe, et donc on va lui démontrer aujourd'hui qu'en fait, c'est très simple, et il sera accompagné, assisté par Nicolas, qui est notre spécialiste XML à la maison, et que vous connaissez déjà, puisqu'il est déjà aussi parlé sur le jury. Voilà, Nicolas, okay. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Marin. Bonjour à tous. Je m'excuse de n'avoir pas encore vous rencontré. J'étais très, très... j'étais un peu occupé à préparer cette intervention, je dois l'avouer. Et bon, voilà. Comme vous voyez, je ne suis pas francophone natif. Je vous prie de m'excuser les erreurs que je vais faire, sans doute, et l'accent tout à fait dégueulasse que je vais présenter. Mais pour moi, c'est très important de parler en français avec les Français, parce que j'ai l'impression que si on ne parle pas le français avec les Français, ils vous en manquent. Hein. Ça ne fait rien. C'est pas sérieux, vous ne parlez pas français, c'est très intéressant, monsieur, mais moi, je m'en vais. Donc, alors, c'est un peu comme ça pour moi avec ce fichier que Marin m'a envoyé il y a quelques jours. Il a dit, bien sûr, vous allez vous servir de PowerPoint pour votre présentation. Alors, je vous envoie ce truc-là, comment ça se dit en français, un background, ce fichier. Et je me suis dit, c'est lui qui m'a invité, je dois être sage. Mais désolé, mais finalement, non, pas de tout. Hein. Il y a trop de taches d'encre. En plus, je n'aime pas le PowerPoint. Et finalement, moi, j'ai un workflow très habituel. Je tape à la main, je fais les tapisseries anti-XML natif. Je les transforme par un feuille de style XSLT en texte, et puis avec ça, je peux créer des PDF. Comme on dit, si on va chez le docteur et il vous offre une médecine, mais lui, le docteur, il ne s'en sert pas, alors ça vous dit quelque chose. Moi, je prends ma propre médecine. Alors, qu'est-ce que c'est la TI pour l'édition numérique ? À propos, excusez-moi, je suis de temps en temps, je divague. Si vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que ce joli logo que j'ai trouvé sur l'Internet, c'est le logo d'une société américaine qui s'appelle The Truth Establishment Institute. Alors, établissement de la vérité. Et je l'ai tellement aimé que je l'ai shippé. J'ai une autre page où j'ai rassemblé plusieurs icônes, plusieurs logos TI, mais ça c'est le meilleur. Il y a un sens d'aventure dans l'espace. Et tout ça. Là vous avez mes coordonnées, là vous avez le coordonné de cette intervention. Toutes les interventions que nous faisons chez nous à Oxford, ils sont dans cette adresse, vous pouvez aller directement sur la source XML, vous pouvez voir, c'est pas tellement joli que ça, mais vous pouvez au moins le lire. Okay? Et bien sûr, vous pouvez le télécharger et l'adapter à vos besoins. Si un de ces jours, vous aurez l'occasion de faire une intervention sur la TI, et j'espère que oui. Alors, quels sont les objectifs de cette présentation? Bien sûr, c'est un peu de mettre la TI dans sa contexte historique, parce que moi, je suis tellement vieux que maintenant, je pense toujours au contexte historique. C'est de présenter un peu ces concepts fondamentaux et de démontrer, vive, comment on peut les appliquer, ces concepts, à l'édition numérique. Et là, vous avez le site, le URL clé, ça c'est le site du consortium TIA. Alors, on a parlé beaucoup, on m'a dit que vous avez déjà été... vous avez déjà entendu de la TI, et peut-être il y en a parmi vous qui on a déjà entendu hors de cette école, et on vous a dit peut-être que ça, la TI, c'est vraiment un labyrinthe, beaucoup trop complexe pour nous autres pauvres humanistes qui ne comprennent rien. Et il y en a partout qui disent par contre que c'est un système fasciste et que ça impose des normes informatiques à ceux qui n'en ont pas besoin, parce que nous autres, nous sommes des poètes. Ou bien, c'est évident, TI, c'est un truc des bibliothécaires. Seulement, les bibliothécaires, en effet, numérisés. Et nous autres, on est des auteurs, on est des plus créatifs, on n'a pas besoin de faire de telles choses. Par contre... Il y a d'autres qui vous disent, ah, le TI, oui, je l'ai rencontré, c'est quelque chose d'utile, de traitement automatique de langue. On s'en sert pour créer des corpus de langue et faire l'ingénierie linguistique et tout ça, mais bon, c'est inutile pour nous. Et finalement, il faut l'avouer que la TI est là depuis une trentaine d'années presque. Alors, c'est une manière de gérer les trucs informatisés, mais c'est vraiment démodé. On a tous, maintenant, sur Google, avec le web 2, 3, 4, tout va marcher. C'est évident. Bien sûr, vous ne croyez à aucun de ce petit catéchisme, mais il y en a des gens. Je dis ça pour... Alors, en effet, quels sont les enjeux de la TI? C'est un système pour faciliter la création, l'échange, l'intégration des données textuelles informatisées. C'est une phrase que je répète depuis des années. La première fois qu'on a commencé, dire que ça serait un jour possible de gérer, de créer, d'échanger, d'intégrer toutes sortes de textes dans toutes les langues, de toute origine temporelle ou culturelle, ça faisait rire. Parce que ça a commencé à une époque où même le format de CD n'était pas standardisé. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est la manière où le monde a finalement... Et derrière un peu les enjeux de la TI qui ont été créés dès le commencement en 1800. La première réunion de TI c'était en 1987. Et une chose. Là, je parle de technologie. Alors, il y a toujours une évolution de technologie. Mais il y a une autre chose très, très importante qui a fait de la TI qu'elle est maintenant. Et ça, c'est ces deux points-là. Le fait que la TI, dès son début, s'est adressée aux débutants de l'un parti et aux experts de l'autre parti. Les débutants, ils cherchent, ils n'ont pas là pour être tellement créatifs. Un débutant veut savoir, qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine? Quelles sont les solutions qui sont vraiment bien connues, bien établies, consensuelles dans ce communauté de recherche que je voudrais, où je voudrais participer? Mais de l'autre partie, dans ce même communauté, il y a les experts, surtout dans la recherche, dans les SFS, qui veulent toujours créer de nouvelles solutions, à résoudre de nouvelles un nouveau problématique. Et alors, il y a une tension entre ce qui est établi, ce qui est consensuel, et de l'autre partie, comment élargir les frontières de la connaissance de ce communauté de recherche. Et c'est ça qui donne, à mon avis, qui a donné et qui donne toujours à la TII son goût particulier. OK. Il y a un autre aspect de l'esprit TII qui est lié avec ce que je viens de décrire. Qu'est-ce que cela veut dire, être conforme à la TII? D'abord, il y a une pratique de balisage consensuel. On se met d'accord de se servir d'une balise ou d'un autre avec un sémantique déjà établi. Et alors, ça fait une lexique commune. Je rencontre beaucoup de gens de TII qui sont intéressés partout dans le monde. Et quand ils se servent d'une balise quelconque, un bible struct, je sais très bien de quoi il s'agit. Mais également, il y a un respect très sincère, très, très approfondi, un respect pour l'autonomie de chaque chercheur de se servir de ce vocabulaire très, très grand, selon ses propres besoins. Et là, si vous n'empruntez qu'un message de cette intervention, c'est celui-là qui, à mon avis, est le plus important. Parce que la standardisation, à mon avis, ne devait pas signifier « fais comme moi, moi je sais tout, fais comme moi ». Mais il y a des lieux où ça c'est très important. Par exemple, la standardisation des prises électriques. Hein? Moi j'en connais absolument rien. Mais s'il y a des gens qui disent « fais comme moi, on met le rouge ici et le neutre là », je suis très content qu'il n'y a pas de discussion. Mais par contre, dans notre domaine à nous, dans la recherche, surtout aux SHS, c'est très important d'avoir cette possibilité de modifier les standards et donc de s'expliquer qui va avec cela. Alors, l'importance de la standardisation, ça serait de donner une manière d'expliquer les changements qu'on a fait, le point de vue qu'on a établi, le système de balisage qui répond à ses propres besoins, mais de l'exprimer d'une manière où quelqu'un qui ne vous connaisse pas, qui ne vous connaît pas, qui ne comprend absolument rien sur votre méthode, sur vos idées, j'ai perdu ma phrase, la grammaire française. OK. Alors, ça, c'est très bon. Hein? Ça a l'air très intéressant. Mais il va de ça qu'il y a des problèmes. Il y a une problématique. Il y a plusieurs manières de faire les choses en TII. Il y en a peut-être, entre vous, il y en a qui connaissent la langue de programmation Perl. Il y en a? Vous en avez? Bah oui. Alors, avec Perl, on dit « there's more than one way to do it ». Ça va? Oui, parce que tu n'avais plus de batterie. Oh, merci. Okay. Également, en TII, « there's more than one way to do it ». Il y a plusieurs manières de faire la même chose. Alors, je prends un exemple que j'ai volé à mon collègue Laurent Marie. Lui, il s'intéresse aux descriptions bibliographiques. Et dans la TII, il y a au moins deux, peut-être trois, balises pour marquer une description bibliographique formelle. Il y a Bibble, qui contient n'importe quel mélange de composants bibliographiques, ou même de textes purs, sans balisage, de l'une partie. Et de l'autre partie, il y a une balise Bibble Struct, qui contient une sélection prédéfinie d'éléments qui est strictement organisée, strictement structurée. Et il va de ça que, par exemple, si vous allez trouver dans une bibliographie TII, comme on a fait par exemple pour le Read-Write Book, vous allez voir que ça, là, vous avez, en première place, vous avez le moins effort, le moins d'effort. Tout ce que j'ai balisé, c'est que Proust and the Squid, The Story and Science of the Reading Brain, c'est un titre. Je sais que c'est un titre parce que c'est en italique. Et là, c'est tout ce que je sais. Il y a d'autres mots, il y a de ponctuation, Cambridge Icon Books, etc. Mais ce n'est pas balisé. Donc, si je voudrais trouver tous les livres qui sont sortis d'une maison d'édition à Cambridge, tant pis. Je ne peux pas distinguer Cambridge ici de si ça apparaissait, par exemple, dans le titre. Vous comprenez-tu ça? Je n'ai pas besoin d'insister sur ce que le balisage apporte à ce qu'on peut faire avec ça. Mais c'est très facile. Je peux faire ça, je peux contrôler ça tout de suite. Et j'ai, bon. Ici, par contre, vous voyez un autre exemplaire où j'ai balisé tous les composants. Mais dans ce cas-là, vous avez d'abord l'auteur, puis le titre. Mais ici, c'est d'abord le titre, puis l'auteur, en parenthèse. Là, vous avez la maison d'édition, la date. Notez que ça, c'est une date. C'est date d'édition, je suppose. Mais ce n'est pas précis. Hein. Avec ça, oui, je peux faire sortir des données un peu plus structurées. Je pourrais transformer cela dans une base comme, par exemple, comment ça s'appelle, RefSys ou Zotero ou des autres systèmes de gestion de bibliographie. Parce que les champs sont identifiés, mais il n'y a pas de grammaire qui contrôle que, par exemple, un titre, le titre monographique ne se distingue pas du titre analytique. Ici, par contre, j'ai essayé de faire de mon mieux avec une entrée dans la bibliographie de ReadWriteBook, où j'ai trouvé, bon, là, vous avez un titre analytique, ils ne peuvent pas se reposer sur ses lauriers. En plus, vous avez un titre céréal, disons. Alors, j'ai proposé, c'est une proposition, qu'un blog, ça ressemble beaucoup à un titre de série. Ouais. Il y a des bibliothèques à présent qui vont me qui sont d'accord ou non. Ouais. Ah bah voilà, il y a une dame qui dit merci beaucoup. Là vous aviez une date, encore une date. C'est quelle date? C'est la date de cet article, je suppose. Là vous avez également un pointeur sur le web. Balisé comme ça, et je dis en plus que c'est une référence, d'un type spécifique, c'est une URL, alors je dis ça. Et finalement, encore une date. Bien, moi je suis un être humain, alors je peux comprendre que ce date-là, il s'agit de la date de consultation de l'URL. Mais à part deux points de vue, et c'est pour ça que j'ai mis ce date à l'intérieur du ref et non pas après, parce que si je l'ai mis après, alors comment distinguer ce date là de ce date là? Alors c'est ce genre de problématique qu'il faut résoudre en se servant d'un système très maniable, comme la TI, parce qu'il y a beaucoup de choix qu'il faut faire. Et dans cette intervention, je vais vous introduire quelques outils qui permettent de faire ces choix d'une manière bien documentée. Mais il y a des bibliothécaires, excusez-moi madame, qui ne sont pas du tout d'accord avec toute cette liberté, avec toutes ces libertés. Pour eux, c'est très important à contraindre le contenu des éléments. C'est pour ça qu'il existe aussi dans la TI un élément BibliStruct, c'est-à-dire référence bibliographique structurisée, où il y a des éléments, des composants très très formels. Chaque partie de la structure est structurée. Donc là, vous voyez, il y a un élément analytique qui contient tout ce qu'il faut savoir sur l'article lui-même. Il y a le titre ici, mais aussi même l'auteur. On distingue son nom de famille de ses autres noms. Et je n'ai pas fait le démo, mais on aurait pu également faire un lien sur, par exemple, un liste d'autorités nominales. Ici, on a les infos sur l'entrée monographique, d'où est sorti, où est trouvé cet article. C'est dans un autre titre, Handbook of American Indian Languages. Et là, vous avez les détails sur l'imprint. Je ne sais pas la traduction française, l'imprint, je ne sais pas. Sur le papier. Sur quoi ? La référence papier, oui, mais imprint, c'est une chose spécifique dans la bibliographie. Achevé d'imprimer, oui, oui, à peu près. Vous avez le lieu d'imprimer, le nom de maison d'édition, la date. Et là, vous avez des détails sur où ça se trouve, cet article. C'est un structure très riche et, bien sûr, de point de vue informatique, très redondant. Supposons que nous avons une quinzaine, une vingtaine d'articles dans ce même encyclopédie. Est-ce qu'on va répéter tout cela à chaque fois? Si on pose cette question, c'est parce que on a très bien compris que là, vous voyez la manière où les données sur cet article devraient se présenter à un logiciel, à un processus de gestion, n'importe quoi. Il peut bien se faire que derrière cela, vous avez une base de données relationnelle ou bien un flux de données sortant d'un web service qui construit ces éléments en partant de notre modèle, de notre système de gestion. Dans cet autre système de gestion de données, vous aurez sans doute un seul entité qui contient des informations sur le titre monographique et plusieurs autres entités pour les choses qui sont différentes, et vous allez les mélanger ensemble et les passer à l'utilisateur dans ce format-là. Vous avez bien compris? D'accord. Et, oh oui, intérêt, vous connaissez sans doute le système HAL. Comment ça se dit? HAL, ok. Il y a plusieurs manières de faire sortir vos références de HAL, y compris ça. Alors, ça, c'est un exemplaire des systèmes dont je parlais. Alors, HAL, derrière HAL, vous avez une base de données relationnelle. Mais vous pouvez faire sortir, si vous faites sortir de HAL les données dans le format qui sont stockées, avec des relations, vous n'allez pas comprendre ça. Ce n'est pas utile. On ne peut pas faire d'autres choses avec ça. Mais avec ça, on peut faire beaucoup de choses. OK. Alors, un peu d'historique, si je peux. Je regarde le temps. D'où est sortie la TEI? Excusez-moi, oui, oui. Je veux dire que HAL aujourd'hui produit de la TEI, ou oui. Il produit le TEI. Il fait sortir, si vous allez dans HAL, rechercher des articles, vous avez un choix de format de sortie, des résultats. Comment? Pour la notice bibliographique. Oui, oui, oui, oui. C'est de ça que je parlais. Pas pour les articles. Non, non, non. Non. Pas encore, ça viendra. OK. D'où est sortie la TEI? Donc, j'ai déjà fait que c'est assez vieux. Dans les années 90 du siècle passé, c'était un projet de recherche en À cette époque, on ne parlait pas des digital humanities, mais on parlait plutôt de humanities computing, qui est peut-être autre chose, je ne sais pas. C'était parrainé par trois associations érudites, et j'aime toujours répéter et insister sur le fait que c'était très bien financé pendant 4 ans par le NIH, le National Endowment for the Humanities, aux États-Unis, et également ici en Europe, par un projet de linguistic language engineering qui est ressorti de Bruxelles. Et également avec le financement de SSHRC. Ben, à l'époque, c'était tout à fait nouveau d'avoir cette espèce de collaboration, cette espèce de co-financement. C'était très important pour ce projet de recherche. Il a eu beaucoup d'influence sur, par exemple, les bibliothèques, les archives numérisées, sur l'ingénierie linguistique et même l'édition, mais plutôt, le plus souvent, c'était sur les éditions littéraires de sources littéraires ou historiques. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une autre espèce d'application pour le TEI. Parce qu'on parle on parle à peu près sur les choses qui sont nées numériques. Okay. Mais ça, c'est très important, parce que de plus en plus, les objets de recherche dans les domaines humanistes sont de plus en plus des objets numériques. Si on va traiter un auteur d'aujourd'hui de la même manière d'un auteur du XXe siècle, il doit y avoir des manières, des méthodes qui peuvent maîtriser les supports numérisés. Il y avait le manuscrit, il y avait le tapuscrit, on n'a pas encore un mot pour le truc numérisé qui correspond. Hein? Compuscrit, ça se dit? Bon. Compuscrit, ça... Bon, ok. Les écrivains disent le bidule. Compuscrit, hein? Formidable. Ben, mais vous voyez que là, c'est une autre démarche. Okay. Il est devenu, la TEI, elle est devenue une fondation interdisciplinaire à but non lucratif, financée par ses membres, fut établie aux fins de siècle. Alors, je peux dire que la TEI, c'est vraiment fin de siècle. Surtout la TEI, c'est une communauté d'utilisateurs. Bon, je ne vais pas insister sur tout cela. Si cela vous intéresse, vous voyez qu'il y avait plusieurs étages. Mais l'important, c'est où on est maintenant. Okay? Maintenant, la TEI est gérée comme un projet open source. Tout ce qu'il y a dans la TEI, toutes ces recommandations, tous ces guidelines, tous ces schémas, tout est réglé d'une manière transparente. Si vous voulez aller sur notre site SourceForge, tu peux contrôler qu'est-ce qu'on a fait de nouveau. Normalement, vous allez voir que moi ou un collègue quelque part a changé une petite partie, mais parce que moi, je n'ai pas eu le temps de regarder, donc je ne peux pas dire qu'est-ce qui se passe après. Et deux fois par an, on fait une nouvelle version, une nouvelle édition. Alors, je voudrais un peu contraster les deux mondes TEI. Ça, c'est l'organigramme de TEI comme un projet de recherche. Ça ne vaut pas la peine de comprendre toutes ces boîtes, mais si, et en plus vous ne pouvez pas lire de là, hein, je suis sûr, c'est illisible. Mais là, vous voyez qu'il y a une structuration très centralisée. Si, même si vous ne savez pas de quoi il s'agit, si je vous pose la question, laquelle de ces boîtes est la plus importante, vous allez dire là. Sûr, c'est celui-là, parce que c'est tous entre là. Alors, c'est une modèle classique pour les projets. Nous, on est là, on gère le projet avec des influences qui vont. Ici, vous avez les sponsoring organizations. Ici, vous avez les organisations qui donnent de l'argent. Là, vous avez un prêt à vendre. Là, vous avez la communauté qu'on espère servir. Ben, ça, c'est un modèle qui est juste et approprié pour un petit projet de recherche. Par contre, ah bon, ça je passe. Par contre, maintenant, vous voyez là, maintenant, il y a ce grand fou, cette grande tâche de communauté d'utilisateurs TI qui est derrière tout. Bien sûr, il y a d'autres aspects de l'organisme. Donc, vous avez quelques-uns des membres de consortium qui sont, il y a quelques-uns de la communauté d'utilisateurs qui sont tellement, qui veulent supporter l'initiative, le TI lui-même. Et donc, ils veulent supporter même au point qu'ils donnent de l'argent. C'est très important, ça. Alors, c'est-à-dire, ils vont chez le dean, équivalent en français d'un dean, c'est quoi? Le doyen? Doyen. Et ils disent, ben, ce truc TI, c'est très important, notre université à nous doit le supporter, et on donne de l'argent qui permet tout le reste. C'est un modèle de financement très américain. Et je ne suis pas tout à fait, il faut l'avouer, je ne suis pas tout à fait persuadé que ça répond aux cultures plutôt européennes. Mais on peut discuter ça avec un verre plus tard. Pour moi, le plus important, c'est le conseil. C'est un conseil scientifique dont les membres sont élus par les membres du consortium. C'est ça le plus important, à mon avis, ça justifie l'existence de consortium. Ça permet un système où des représentants de communautés peuvent choisir des experts scientifiques qui vont contrôler l'évolution de la TI. Ça, c'est l'objet du conseil. Mais j'ai parlé de l'évolution de TI, d'où ça vient les idées. Les changements, les nouveautés dans le système. Bien sûr, il ressort du communauté d'utilisateurs, mais il faut un système pour... Pas un système, mais il faut avoir des manières de gérer ça. C'est pour ça qu'on a conçu l'idée de special interest groups, les groupes d'intérêt spécifiques. Alors, disons par hasard que vous vous êtes intéressé dans la collection des boîtes à allumettes, supposons. Il y a une grande communauté d'experts sur les boîtes à allumettes. Ils se connaissent, ils veulent parler ensemble, ils se disent, ben, on va numérer nos trucs. Hein. Ils recherchent dans le TI et tiens, il n'y a rien sur les boîtes à allumettes. Oh, c'est épouvantable, il faut l'établir. Alors, le Special Interest Group peut travailler, ils vont proposer des idées de balises pour les boîtes à allumettes, et ils vont le proposer au TI Conseil, qui vont dire oui, c'est bon, ou non, c'est pas bon, vous êtes idiot, ou non. C'est comme ça qu'un système peut évoluer. Et j'en dirai un peu plus tard. Il y a un Special Interest Group assez récent sur l'édition électronique. Tu veux intervenir sur cela? Je donnerai le nom, la référence, le site web, je peux montrer. Ouais. Tu peux dire quelques mots. Hein, oui, il a été créé très récemment, suite à la dernière réunion qui a eu lieu à Lyon, où on a fait part aux membres du consortium, aux membres du conseil, des problématiques liées à l'édition électronique qu'on avait en TUI. Mmh. Et même pas un mois après, on a eu comme annonce qu'un spécial interest group avait été créé pour travailler sur ces problématiques-là. Donc, comme le disait Lou, c'est-à-dire qu'on produit directement en électronique et on n'a plus de source papier, par exemple. Donc la balise imprint que tu ne savais pas traduire, eh ben, normalement elle ne devrait plus exister. Et ce qui se trouve à l'intérieur, il faut bien aller le mettre ailleurs. Je pense à ça comme problématique. Et ils travaillent là-dessus. Et pour ceux qui ont assisté à l'intervention, mais j'y reviendrai peut-être après, mais d'Alain Pierrot, par exemple, sur les dernières discussions du forum, puisqu'on peut tout suivre sur les listes de discussion et tout ça, de ce groupe qui travaille, il s'appelle la TU Tite, parce qu'ils aiment bien mettre des noms un peu. Il y a une histoire là. Des jeux de mots, appelé TV Light. Bon, mais les derniers fils de discussion portaient justement sur la problématique de l'import-export à partir du XML Gene Design en TEI, c'est-à-dire dans les deux sens, et après de la conversion en EPUB. Donc on voit qu'on est complètement dans le sujet et que le groupe donc, qui s'est créé a tout de suite su s'adapter à la problématique. Donc. Ici, au Cléo, on suit ça avec grand intérêt parce qu'a priori, on va se servir de ce qui va en ressortir. Quoi. Il faut participer si cela vous intéresse. C'est pas payant, c'est ouvert. Tout le monde c'est très réactif. Et très réactif. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien entrer en discussion, disons. Ok, merci Nicolas. Alors. Ah bon. Pas mal, ça. Là, vous voyez, c'est une des réunions de conseil qui se passe tous les ans. Une fois, ça c'était à Kyoto et ça c'était à Lyon. Donc, la prochaine fois, je pense, on sera en Finlande. Je pense. Ben, c'est comme ça. Ben, j'ai mis ça seulement pour vous dire qu'il y a des êtres humains derrière tout cela. Ok. Alors, ok. Je finis ma présentation de ce que c'est que la TI vraiment. Le produit le plus important de la TI, ça, c'est sa publication, The Guidelines. Deux gros volumes imprimés, mais c'est très utile pour œuvre de référence, c'est un peu comme le bottin, le bottin, ils sont gros comme ça, mais normalement on les consulte en ligne, bien sûr. Dans les guidelines que vous allez voir tout de suite, ils représentent le consensus maintenant établi au sujet des distinctions significatives dans un vaste ensemble de matériaux textuels, vraiment. Et ces définitions peuvent être exprimées en plusieurs langues de schéma. Alors, on vous a déjà présenté un schéma, un DTD, oui? Vous savez ce que c'est qu'une DTD? Mais il y a d'autres langues de schéma. Hein? Il y en a qui ne connaissent pas. Ok. Ceux qui ne connaissent pas, vous savez très bien ce que c'est qu'un grammaire, je suis sûr. Et vous savez très bien ce que c'est qu'un vocabulaire. Donc, un schéma, un DTD, c'est un peu l'ensemble. Mais il y a des différences. Et je vais élaborer un petit peu sur ce point-là. Mais finalement, derrière l'expression numérisée informatique de guidelines, derrière cela, il y a un modèle conceptuel qui dit ben, il y a des choses dans le monde qu'on comprend, qu'on veut être d'accord à ce sujet. Par exemple, il existe, d'une manière platonique, quelque part, un objet qu'on nomme un paragraphe. Il existe quelque part, dans le monde des concepts, le concept d'un nom personnel. Okay? Et on se met d'accord d'une manière d'exprimer, de faire, comment ça se dit en français, le claim. L'annonce. La demande. Non. Bon. Peu importe. C'est une question de. C'est une question de philosophe. Alors, ok. Il existe une chose. On se met d'accord qu'il existe des noms. Il existe des noms de lieux, il existe des lieux, il existe des personnes, il existe des noms de personnes. Et on se met d'accord que si je voudrais vous dire que ici dans ce texte, il s'agit d'un nom de personne, le TI vous fournit une balise spécifique pour faire cette claim. Cet aveu, c'est concept, non, c'est pas ça. Voilà, affirmation, c'est ça. C'est pas que, et si j'insiste sur ce point, c'est parce que je suis de formation littéraire, excusez-moi. Et ce n'est pas un objet, ce n'est pas objectif, ce que j'ai fait. Par exemple, si je lis dans un texte du XVIe siècle, on fait référence dans un texte du XVIe siècle anglais à Essex, E2E, EX. Ça pourrait vouloir dire le nom d'une personne, c'est-à-dire the Earl of Essex, ou bien ça pourrait vouloir dire un endroit, le lieu Essex. Et, bon, de temps en temps, c'est difficile de savoir. Alors, si je balise... Comment? C'est une décision, oui, c'est une décision, mais c'est plus que ça, parce que je prends la décision et je dis, voilà. Oui, ok, ben voilà. C'est ça le balisage. Le balisage ne vous dit pas la vérité absolue, objective, sur le texte. Parce que tout ce qui existe dans le texte, ça n'existe pas dans le texte, ça existe dans la tête du lecteur. Et le balisage, c'est la manière de représenter ce qu'il y a dans le texte, dans la tête d'un lecteur expert, supposons, qui est ressorti quand il fait la lecture de plusieurs documents. Il y a toute une théorie sur cela, mais je n'insiste pas. Ok, je passe à mon workflow. Pour le read-write book. Okay. Donc, Marin, comme toujours, je ne sais pas si c'était toi ou lui, m'a lancé un défi. Ils ont dit, ben, on va prendre le read-write book et toi, tu peux le transformer en TI. Et bon, d'accord. C'est très facile parce qu'on m'a fourni avec le read-write book dans un format ODT ou DOC, c'est pareil. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça déjà, mais si ces formats ODT de OpenOffice et le format DocX de Microsoft Word sont, finalement, ce n'est pas un fichier, c'est un ensemble de fichiers qui sont zippés. On peut dire ça, ils sont comprimés, mis ensemble. Et donc, on peut les dézipper, et derrière ça, tiens, il y a des documents en XML. Mais, alors, c'est évident, on peut transformer un document en format XML dans un autre document en format XML qui se sert des balises d'une autre manière. Alors, c'est très facile, hein? C'est une procédure tout à fait automatique. On voit une balise ici, on la transforme dans l'autre balise qu'on veut. C'est pas si simple que tout cela. Alors, vous ne pouvez pas le voir, alors je vais sortir de là et je vais... Voilà. Ça, c'est le format, c'est OpenOffice, mais c'est pareil avec Word. Hein. Vous voyez ce que j'ai reçu. C'est le premier chapitre de Read-Write Book. Et vous voyez qu'il y a des changements de police, il y a des blancs, il y a tout ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça en XML? Pardon? Non, pardon, c'est pas le bon. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu cela? Si vous prenez un fichier XML et vous le donnez à un navigateur browser web, par exemple dans ce cas-là c'est Firefox, et vous dites à Firefox, mets ça à jour, S'il n'y a pas de feuille de style déjà associée avec le fichier, Firefox va se servir de son propre feuille de style qui fait une mise à jour qui démontre tout le balisage et la structuration du fichier. Alors, c'est très utile pour voir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce fichier. Alors là, vous voyez ce qu'il y a vraiment derrière le format mise à jour que vous venez de voir de ce fichier pour le premier chapitre de Read-Write Book. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de balises qui n'ont rien à faire avec le contenu, mais par contre qui définit ce qu'on appelle des styles, la manière de mettre en jour. Et il y a des définitions. Ici, par exemple, on définit le style T1 comme ayant une propriété de couleur 00. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ici, on voit par exemple qu'il y a le style T2 qui aura la propriété d'avoir la couleur 0 et la position supérieure. 58%. Alors, évidemment, s'il y a des textes balisés à l'intérieur du fichier qui fait référence à ce style, ça va être mis à jour plus grand. Et bon, voilà tous les paragraphes du texte et chacun des morceaux sont entourés avec un span qui dit à l'intérieur, quand vous allez pour visualiser ça, il faut se servir de ce style, de ce style. Okay? Ici également, vous voyez une autre balise, Text Soft Page Break. Ça veut dire, si vous avez l'opportunité, ici, vous pouvez commencer un nouveau page. Là, vous avez, après avoir lu le discours sur l'origine, ce discours sur l'origine, ici en bas, je fais monter, ce discours sur l'origine et les fondations de l'inégalité, c'est marqué comme texte style T5. Et si je vais chercher en haut pour savoir ce que c'est que le T5, il y a un style ici qui dit, en effet, il faut mettre en italique. Okay. Alors, pas de problème, on peut prendre ces balises, on peut se dire, ben, je vais les transformer dans l'équivalent TI. Et en effet, c'est cela que j'ai fait et que Nicolas on a fait aussi. On l'a fait tout à fait indépendamment. Hein. Alors, on va comparer les résultats après. Moi, ce que j'en ai fait, c'est cela. Pour moi, le plus important, d'abord, c'est de structurer les fichiers. Le TI nous offre des balises comme div pour marquer les divisions de texte. Alors, des sections, des sous-sections, etc., sont tous balisés avec un div au commencement ou à la fin. Puis, il y a l'entête. Puis, il y a, à l'intérieur de l'entête, il y a un nom très important parce que c'est le nom de l'auteur. Et je l'ai balisé comme ça parce que j'ai voulu le distinguer d'autres parties de l'entête de l'article. Okay. Ben, ça continue. Ici, encore une entête. Puis, j'ai un paragraphe. Et à l'intérieur de ce paragraphe, il y a un titre. À l'origine, dans le OpenOffice, c'était simplement une paragraphe en italique. Mais moi, je sais très bien que les paragraphes en italique, bon, pas un paragraphe, un étendu, un span en italique. Moi, je sais très bien que s'il arrive un span en italique à l'intérieur d'un paragraphe, il s'agit, dans la plupart des cas, et on reviendra sur cela, dans la plupart des cas, il s'agit d'un titre. Donc, je mets un titre. Parce que là, il y a une sémantique qui sert à quelque chose. Dire, c'est en italique. J'ai une question. Tu parles de sémantique, justement. Ça veut dire que ça, tu l'as fait à la main? Quasiment. D'accord. Mais c'est important pour notre comparaison. Oui, oui. Je reviens plus tard. Oui. Oui, tu as raison. Et là, vous avez une note. Remarque que la note, l'annotation, se trouve à l'intérieur du texte, où il est attaché. Dans la visualisation qu'on avait ici, oui, vous voyez, les notes sont dûment reliées à la fin de chaque page. Mais dans le format de source, ils sont à l'intérieur du texte, je pense. Oui. Et à l'intérieur du note, de l'annotation, j'ai mis une référence, parce que ce n'est pas une bibliographie complète, c'est seulement, ça fait référence ailleurs, sur ces détails. Bon, je ne veux pas insister sur cela, mais parce qu'on reviendra plus tard. La seule chose que je voudrais finir, c'est... Bon, je passe ça, passe ça, bon. OK. La problématique. D'abord, la problématique le plus sévère, c'est que ces noms de style qui vous donnent la clé entre l'apparence d'un morceau de texte dans OpenOffice et son apparence sont réinventés sur chaque document. Ils ne sont pas standardisés. Vous pourriez le faire quand on fait le format OpenOffice, on a la possibilité de définir une famille de styles et de s'en servir dans le document. Et donc, ce famille de style pourrait servir vraiment à un pont, très efficace. Si tous les passages d'italique qui étaient vraiment des titres ont été balisés avec un style qui s'appelle titre, alors j'aurais pas de problème pour faire la transformation. Ce n'est pas le cas. Parce que normalement, ce qu'on fait quand on prépare un document avec un logiciel tel OpenOffice, on tape comme ça et on dit « Oh, je veux un peu d'italie. » Bof. Et c'est tout ce qu'on fait. On crée de nouveau un autre style derrière cela qui est géré par le logiciel, qui est fermé, qui est individu. Donc, si on trouve dans un document quelconque, il y a un style X, et dans un autre document quelconque, il y a également un style X, vous ne pouvez pas croire qu'ils sont pareils. Ils ne sont pas du tout pareils. Deuxième inconvénient, le balisage XML dont se sert OpenOffice et Word, ce n'est pas une structuration. C'est une structuration très plate. Il n'y a que les paragraphes, il n'y a même pas des listes. Et surtout, il n'y a pas une structuration comme les divs. Il y a des paragraphes qui sont des en-tête de div, forcément, mais il faut déduire de quel niveau il s'agit selon la propriété. En principe, si on trouve un paragraphe en gras, et puis après cela, un autre paragraphe en gras mais plus petit, ça signifie peut-être qu'il y a une autre division qui s'imbrique dans la première. Oui. Mais on ne peut pas être sûr. C'est peut-être le plus gros problème. Hein? Tu es d'accord. Et puis, il y a des ambiguïtés. Évident. Par exemple, une mise en italique, je pense que Nicolas le traduit parce qu'il est simple, et moi je suis un peu fou, je peux le traduire seulement comme ça, dire, ben voilà, il y a une mise en italique, je ne sais pas pourquoi. Mais si j'ai le temps et si je veux bien, je peux désambiguiser, mais il n'y a rien dans le document pour m'aider. S'il s'agit d'un titre, donc title, ou d'un terme technique, d'un terme, ou d'un latinisme ou un anglicisme, par exemple, et al, et top down, tags, il y a plusieurs. Il y a beaucoup de terminologie internet dans le read-write book. Et la plupart des auteurs le marquent en italique. Ils ne disent pas, c'est un terme technique anglais dans le domaine informatique. Ça, il ne le dit pas. Il dit, bon, je l'ai mis en italique pour signaler que ce n'est pas du français. C'est tout. Mais il faut le désambiguiser. Et en plus, on peut se servir d'une phrase italique pour faire une emphase. The internet hasn't led us into a dark new age. OK? C'est ça, les difficultés. Il y a une autre espèce d'incohérence, incohérence. Par exemple, moi je m'intéresse, ça m'intéresse que la plupart des articles, si je lis les chapitres de Read Write Book, c'est très frappant combien il y a beaucoup de citations. Donc, la plupart, plusieurs des auteurs se contentent à citer d'autres auteurs. Eux, ils n'ont pas d'avis sur n'importe quoi. Tout ce qu'ils font, c'est de rassembler les avis d'autrui. Alors, pour moi, ça serait très intéressant de faire une étude sur la citation dans ce genre de document. Okay. Mais tout de suite, je tombe sur un problème, c'est qu'il y a deux manières où les citations sont exprimées. S'ils sont bien évidents comme citations mis en gros, en boîte, dans un paragraphe avec indent, alors c'est facile, ils sont balisés, je peux transformer ça dans la balise appropriée, quote. Mais il y a beaucoup de cas où les citations sont mélangées dans le texte. Avec des guillemets. Là, il y a un problème. Parce que, de temps en temps, il y a des guillemets qui entourent des choses qui ne sont pas des citations, mais d'autres choses. Par exemple, c'est un peu comme le problème des italiques. Puis, il y a des problèmes qui sortent du fait que c'est un logiciel un peu stupide. Et donc, par exemple, ici, j'ai trouvé, ça c'est vraiment le cas, il y a ici, il y a un épan d'italique, puis un autre épan d'italique, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est parce que l'auteur, quand il a fait, il n'a pas remarqué que ce mot « une » faisait vraiment partie du titre, alors il a rebalisé en italique après, mais maintenant j'ai deux titres, n'est pas le cas. Et puis il y a le balisage redondant là où par hasard il y a deux ponctuations. Le virgule en italique, ça ressemble beaucoup au virgule non en italique. Et assurément, le blanc en italique, c'est tout à fait pareil avec le blanc non en italique. Alors, pour contrôler tout cela, il nous faut beaucoup de patience, n'est-ce pas? Et en plus, un schéma. OK. Alors, comment ça va pour le temps? Je peux continuer? Il reste 1h10. Il reste 1h10, alors. Si vous êtes affamé, je peux aller chercher quelques fruits dans le placard qui reste d'hier soir. Non. Ça va. Donc, il te reste une bonne demi-heure. OK, alors, une bonne demi-heure. Tout le monde est content que je continue? Vous pouvez faire simple, un peu d'exercice. OK. Parce que maintenant, je passe dans la partie de cette intervention un peu technique. Okay? Finalement. Alors, on me dit souvent, moi, je me sers de la TI. Ah, je suis très content. Et quel schéma TI vous vous servez? Est-ce que vous vous servez de quel schéma TI? Et on me dit, un TI? Il y a plus qu'un? C'est P5? Oui, c'est P5. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que le TI n'est pas un seul schéma. C'est un, on dit en anglais, un framework. C'est un échafaud. C'est un ensemble. C'est un framework. C'est un mot très, très, très utilisé en informatique. C'est un cadre. Merci. Un cadre. C'est un cadre sur lequel on peut développer plusieurs schémas. On se sert de la TI pour créer sa propre système d'encodage. Mais bien sûr, la TI est organisée. La TI s'est organisée en plusieurs, ce qu'on appelle modules. Et une module, ce n'est pas grand-chose, c'est un ensemble de définitions d'éléments et de classes. On peut sélectionner les modules et on peut rejeter des modules, les éléments qu'on n'aime pas, ou on peut transformer ses propriétés selon quelques limites. Même on peut y mélanger d'autres éléments qui ne sont pas de TI de tout, qui sont privés à vous ou qui viennent d'ailleurs. Par exemple, si vous allez dans votre schéma, vous savez que vous aurez besoin de gérer des images. Alors, il existe déjà un schéma très, très, très performant qui s'appelle le SVG. SVG, oui. C'est pas nécessaire de le réinventer, mais si vous voulez intégrer vos documents XML avec des parties en SVG, il faut mélanger le SVG dans votre schéma TI. Il y a une manière de faire cela. Le guidelines vous offre une syntaxe, c'est-à-dire une manière de représenter les choses balisées, comme vous l'avez déjà vu, mais également une sémantique. Et ça veut dire que si vous vous servez, par exemple, du balise, disons, EMF, que vous avez vu tout à l'heure, pour emphase, ça veut dire qu'il y a la sémantique de l'emphase linguistique derrière cela. Si vous vous en servez, par contre, simplement pour tous les passages en italique, ce n'est pas bon. Là, il y a la sémantique qui n'est pas juste. C'est pour cela que de temps en temps, pour créer vraiment des textes très riches en TI, il faut faire du boulot, il faut réfléchir là-dessus. OK. Là, je fais le liste. Vous pouvez trouver tout cela ailleurs. Alors, je passe très vite. Là, vous voyez la liste des sujets déjà traités dans le TI. Donc, vous avez un noyau, des éléments tels pay, list, etc., dont on aura besoin n'importe quelle espèce de document, de quelle espèce de document il s'agit. En plus, vous avez un ensemble de propositions pour les métadonnées que je n'ai pas le temps de vous présenter, mais qui est très riche pour fournir des détails sur des détails bibliographiques quasiment sur les documents numériques. En plus, vous avez un module pour les textes oraux, pour la transcription détaillée des sources originelles, pour l'édition critique, pour les dictionnaires, l'annotation linguistique, etc. Et même pour les noms, très détaillés. OK. La TI comprend 20 modules à présent, presque 550 éléments et des douzaines de classes sémantiques. Donc, pour s'en servir, il faut le personnaliser. Et c'est ça que je vais démontrer maintenant. OK ? Oh non. Avant ça, okay. On aura besoin, dans n'importe quel projet, on aura besoin de faire un choix parmi les modules disponibles, affiner l'ensemble d'éléments obtenus dans ces modules choisis. Peut-être on voudrait ajouter des contraintes spécifiques. Par exemple, dans le TI, vous avez un élément list que vous avez déjà vu qui possède un attribut type. Et les valeurs que peut prendre cet attribut ne sont pas définies par le TI. Parce que qui ne sont pas. Il y a trop de variétés, il n'y a pas de consensus sur les types de listes. Apparemment, jusqu'à là. Mais dans votre projet à vous, c'est sûr quelle sera la typologie de ce balai, de cette balise, de ce balai. Donc, vous voulez bien contraindre les valeurs possibles de liste. Et vous pouvez faire cela avec votre schéma, avec votre personnalisation de TI. Et je vais démontrer ça un peu plus tard. Bien sûr, il y a d'autres questions de localisation. Et en plus, dans un projet, vous aurez besoin de créer une documentation de ce que vous avez fait en personnalisant la TI. Okay? Heureusement, vous n'êtes pas le seul. Chaque projet qui a besoin de se servir de TI P5 aura besoin de faire la même chose. Donc, il vaut bien l'effort de mettre à l'intérieur de TI un système de gestion pour les documents qui spécifie comment se servir de la TI. Et ça, c'est ce qu'on appelle un OD. OD, c'est un document TI. Comme tous les documents TI, il a sa propre grammaire. Et c'est, en effet, c'est le système dont on se sert pour créer la documentation TI elle-même. Mais c'est la même chose pour les utilisateurs de ça. Dans un document OD, vous allez trouver beaucoup de descriptions en prose, des exemples d'utilisation, par exemple, des déclarations formelles, des éléments, des modules, des classes. Voilà un exemple. Moi, je suis dans un petit projet. On s'intéresse à la TI et on va créer donc un manuel.